Bonsoir, bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François Gécouillard. Est-ce que vous avez célébré l'Halloween, la fête des enfants et des grands? Moi, oui. Et puis, j'ai reçu chez nous, il y a comme une espèce de hall d'entrée. Et j'ai mis de la musique d'horreur. Quand les enfants rentraient dans la hall, ils étaient comme ça, immergés dans un monde horrible, avec des femmes qui meurent, des sadiques qui donnent des coups de fouet sur des enfants. Alors, c'était de toutes les beautés. Et les parents ont adoré. Alors, on va écouter ça aujourd'hui. On va écouter un bout sur l'Halloween, un bout épeurant. Mais pour commencer, on va célébrer Mitt Romney. Mitt Romney, il va avoir les présidentielles très bientôt. Et puis, on va écouter un hommage à Mitt Romney. C'est le chanteur Meat Loaf qui était vraiment plein de plein d'enthousiasme pour Mitt Romney. Il a fait une chanson en son honneur. Alors, on va écouter ça. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique. C'est bien que les rêves ne sont pas la réalité, mais celui-ci fut si intense que parfois je pense qu'il relève moins du songe que de la vérité. C'était au sauna, la chaleur et l'humidité étaient à leur comble. Il était là, debout dans l'ombre, statue molle et vivante, pâteuse, haletante aux visions d'épouvante qui depuis me hantent et me glacent le sang et me gâchent mes jours. Cette nuit dans mon rêve j'ai vu Denis Coderre nu, il avait chaud. Il était en sueur et luisant, la grosse bouche de bébé joufflu entr'ouverte, le regard vide, les pupilles inertes. Ok. Des gouttes se formaient sur ses mamelles moites, ses pendantes comme les flancs des morses, et ruisselait du torse en un filet onctueux vers la peau rosâtre de son ventre ballon. Puis le bouillon coulait de ce gras Golgotha vers la luxuriance de la fourrure pubienne où brillait déjà, comme au temps de lanterne, mille gouttes pareilles, aux années soleil magique. Ow! Dans mon rêve m'est apparu Denis Coderre nu, et malgré moi, mes pauvres yeux ont vu son fruit défendu. J'ai contemplé sa flûte enchantée. J'ai fait ce rêve bien malgré moi. Un homme ainsi dévoué au service public. Pourquoi l'ai-je rêvé dans son plus simple appareil? Quand cette auréolée de gloire, vêtue de notre hoge, qui l'eût mérité d'apparaître en mon sommeil. Un rêve étrange, incongru, de Nicodère nu. Et pourquoi lui est-ce l'avoir trop vu, qu'il me revient ainsi la nuit comme un reflux? Ou est-ce juste que la vie est injuste? Mais où est rendu mon oncle Serge dans ses tripes? Là, on dirait qu'il est vraiment revenu à l'origine. Il est à l'époque où c'était pas du tout électrique ce qu'il faisait. Là, je pense que c'est la première chanson qu'il a jamais enregistrée avec un clavier. Un clavier comme les femmes là, dans les centres d'achat puis sur la terrasse du frein l'été. Là. Donc, il s'amuse avec les boutons avec des effets. Puis c'est vraiment spécial. Mais c'est intéressant quand même le résultat. On sent que mon oncle Serge s'est amusé à enregistrer cette chanson-là qui s'appelle « Denis Coderre nu ». Denis Coderre qui se lance la course pour la mairie de Montréal. Mais c'est pas encore officiel, mais ça va venir. Et la chanson a été sortie aujourd'hui, alors allez chercher ça. De sur Internet, c'est gratis, mononcle.com. Sinon, on a également entendu le chanteur Meat Loaf. Meat Loaf, ça veut dire « feuille de jambon ». Et il a chanté sur scène avec Mitt Romney. Il chantait son amour avec Mitt Romney. Et disons que son amour est très, très fort. Donc, dirigeons-nous vers l'Halloween. Alors, hier, c'était l'Halloween. Et c'est sûr, j'avais fait une petite playlist là, pour les enfants qui viennent cogner à la maison. On va aller écouter quelques-unes de ces pièces-là. On commence avec un classique. Le groupe s'appelle Messer Chops. Et la pièce s'intitule Orgy of the Dead. Oh! More entertainment. Well? Ah, there is yet time. When? The moon is almost gone. Well? I know the laws of the night. I would have time for my own pleasure. When? Your own pleasure comes only after mine, when I desire it. Well? I am the sole ruler of the dark world. When? I state there is still time for yet another. At the first sight of the morning's rays light. She is to be mine. It is so spoken. Leave her alone, you fiend. Fiend, is it? If I could get my hands on you. Oh, you could do nothing. Leave her alone, I tell you. Well? Ah, she will be yours. When? At your discretion. But first, I desire more entertainment. Avez-vous fini de chialer contre Stéphanie Trudeau, aussi connue sous le nom de Constable 728? Elle est partout dans les médias, on s'acharne sur elle et on l'accuse finalement de bien faire son travail. Ceux qui chialent contre Stéphanie Trudeau, vous êtes des misogynes, vous êtes des sexistes et vous n'avez aucun respect pour la femme, aucun respect pour le métier de policier que tente d'exercer Mme Trudeau avec le meilleur de ses connaissances et de ses capacités. Il y a deux événements qui retiennent l'attention. D'une part, lorsque Mme Trudeau a décidé d'utiliser le poivre de Cayenne pour maîtriser un jeune homme qui la narguait et qui demandait à être poivré, comme le démontre ce clip. Comme vous avez pu le constater, cette personne-là, le narguait. Oui, pas peur. Je suis capable d'en prendre. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Cette dame-là essaye de faire son travail, puis elle se fait narguer. Ils sont là pour maintenir la paix. La logique veut que, quand tu vois une rangée de policiers avec des casques, des boucliers, des bâtons, du poil de Cayenne puis des fusils, t'essaies de pas les écœurer, tu sais. Mais ce jeune homme-là, très brave, du haut de ses 18 ans, et qui critique le travail d'une policière d'expérience de 12 ans, lui, non, moi, je sais comment ça marche. Il s'en va écœurer qui? La fille, pas les gars. Non. Ça en va écœurer. La fille. Pourquoi? Parce que c'est un misogyne, c'est un sexiste, et il n'y a aucun respect pour la femme et le travail de policier. Le deuxième cas, c'est un cas tout à fait ridicule aux yeux des gens qui ne connaissent pas ça. Par contre, si on se met à réfléchir un petit peu, on a vu que l'intervention de Mme Trudeau était nécessaire. Et je m'explique. Mme Trudeau fait sa patrouille et voit cet homme. Et en passant, il a de l'air arabe. OK? Vous allez voir pourquoi, dans le sud de l'histoire, c'est cohérent. Avec de la bière à la main. Donc, ce gars-là est sous. Potentiellement dangereux. Il est là dans la rue avec de la boisson, c'est illégal. Fait tant qu'à ça, je veux dire, en faisant aux enfants qui passent « Allô, veux-tu de la bière? » T'sais, voyons donc, ça se fait pas, tout le monde le sait. Tu peux pas boire de la bière comme ça sur la voie publique. Le gars, il a l'air arabe en plus. Arabe, musulman, les musulmans boivent pas de boisson, lui, il y a de la boisson. Quand est-ce que les musulmans boivent de la boisson? La veille, ça va faire un acte terroriste. La veille, ils vont se faire exploser. Pourquoi? Parce que là, ils ont le droit, parce qu'ils vont boire de la bière. Elle avoue ça, elle sait. Fait qu'elle demande au gars de s'identifier. Je veux voir si ce gars-là est sur ma liste de terroristes. Très logique. Le gars, lui, évidemment, elle pense qu'il est musulman. Je pense pas qu'il l'est, finalement, il est plus un nom italien. Mais quand même, l'envoie chier, carrément. Est-ce qu'il l'aurait envoyé chier si ça avait été un gars? Probablement pas. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, c'est un misogyne, c'est un sexiste, puis il n'y a aucun respect pour la femme et surtout aucun respect pour le métier de policier. Là, on est chier. Fait qu'à un moment donné, la fille, ben, tu sais, Mme Trudeau, elle veut s'imposer. Tu sais, c'est son travail. Le gars fait de l'obstruction à la justice. Elle doit y montrer d'une façon un peu plus ferme qu'elle est sérieuse. Elle a toutes les raisons du monde de croire que ce gars-là, ça va faire un acte terroriste, OK? Il est sous sur la voie publique, puis il a l'air d'un arabe. Là, le gars, il se plaint, il m'a poussé, blablabla. Là, il y a son chum qui descend. Son chum, il a l'air encore plus louche. Le gars, il a un béret. Il porte un béret dans son appartement. Fait que t'as comme un terroriste sous, puis un gars qui s'en vient l'aider qui a un béret dans sa maison. Là, à un moment donné, ça commence à être louche pas mal. Et le gars invective la policière, comme le démontre ce clip. Je demande que cette dame, Mme Trudeau, soit réintégrée à son poste dans les plus brefs délais, au nom de la justice, au nom des femmes, puis au nom de la profession de policier. Alors, Mme Trudeau, j'espère que vous allez retrouver bientôt votre travail. Et on a besoin d'agents comme vous, courageux. Et bonne chance. Et j'espère que les gens vont arrêter de vous écœurer et surtout vous démontrer le respect que vous méritez. Le respect que vous méritez en tant que policière, mais également en tant que femme. Avez-vous fini de chialer contre Stéphanie Trudeau, aussi connue sous le nom de Constable 728? Elle est partout dans les médias. On sait. Vos cheveux ont dû lever les poils de dessus sur votre tête, là. Oh, avec ce bloc dédié à l'Halloween. On vient d'entendre la pièce Die Folterkammer des Dr. Sex du groupe The Vampires of Dartmoor. On a également entendu l'artiste Akron qui faisait la pièce Hebrew Melody avec. J'ai fait un mixte, alors j'ai rajouté un illustre inconnu qui faisait une apologie de la jante 728. C'était-tu assez épeurant à votre goût? Et on a entendu Monsieur Chops faire Orgia of the Dead. Monsieur Chops, qui est un band de musique expérimentale de Russie, fondé par Oleg Gitarkin. Et ils se sont alliés avec une joueuse de térémine connue mondialement qui s'appelle Lydia Kavina, qui est russe. D'ailleurs, le térémine est un instrument russe. Vous savez, térémine, c'est quoi? C'est comme une sorte de ça ressemble à pas grand-chose. Ça ressemble vaguement à un clavier, mais pas de touche. Et pour jouer, ben, il faut lever les mains dans les airs. Alors, on a l'air d'un trisomique pendant qu'on joue. Et ça avait été conçu à l'origine pour détecter des mines. Alors, c'était vraiment fait dans un usage militaire et c'est devenu un instrument de musique. Oh. Saviez-vous que Gabriel Nadeau-Dubois risque un an de prison et même plusieurs milliers de dollars de frais qu'il va devoir payer? C'est un étudiant de juste à côté d'ici, là, c'est un étudiant en art qui étudie donc au pavillon de l'Université Laval qui se trouve juste à côté de la station radio de Sequoia. Monsieur Moras, Vincent Moras, il a poursuivi Gabriel Nadeau-Dubois pour outrage au tribunal et

à une époque où Québec était en bouillonnement social. Et donc, ça me rappelle que Gabriel Nadeau-Dubois vient de, va être condamné à une peine XYZ, là. Et à l'époque, il y avait les trois chefs syndicaux qui avaient été arrêtés, qui étaient en prison. Dont Michel Chartrand, même lui, est passé par la prison. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu, ça nous rappelle, c'est un écho du passé. Et on a également entendu Dominique Grange, de toujours de son album L'Utopie Toujours. Elle a fait une chanson que j'avais jamais notée, mais qui est très, très, très intéressante, qui s'appelle La Voix des Prisons. Et on a entendu Les Prisonniers Politiques du groupe Break Syndical. Qu'est-ce que c'est Break Syndical? Eh bien, le chanteur, la voix, c'est le, aussi le leader du groupe qui s'appelle Pierre Fournier. Dans sa vie, lui, il est travailleur social dans un CLSC, je pense. Et il a fait plusieurs albums. Ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des chansons sociales du passé et il les remet en musique, tout simplement. Il les remet au goût du jour, là, où il les revalorise, si on veut. Et ça donne quelque chose de très intéressant. Et la pièce Prisonnier politique, c'était tout à fait cohérent avec ce qui se passe en ce moment avec Gabriel Nadeau-Dubois, le juge qui est un grand donateur du Parti libéral. Et je suis en train de lire ça, le document qui a été rendu public par rapport à sa décision. Et puis il cite le président John F. Kennedy. Il y a des relents de procès politique là-dedans. Alors, ça sent pas très bon. Êtes-vous choqué? Si vous l'êtes, eh bien, on va écouter un bloc choqué. Trois pièces du patrimoine du Black Power. On va écouter la pièce It's Time de Max Roach. Ça vient de l'album Les hymnes révolutionnaires. Vous êtes en compagnie de François Gécouillard à CKIA 88.3.

on, come on, think you better wake up. Nah, nah. Good God. Wake Up, donc Réveil, une chanson de Larry Williams, une chanson tirée du patrimoine du Black Power, donc du mouvement Black Power. Nous avons toujours donné plus d'amour que nous en avons reçu. Alors réveille-toi, les sœurs et frères, levons-nous. Assez explicite et clair, comme tiré d'un album appelé Black and Proud. The Soul of the Black Panther Era. On a également entendu... là, je me suis fait plaisir. Probablement dans les top 10 de mes meilleurs albums de cette année. La pièce s'intitule Bénin Chéri. L'artiste, c'était El Rego et ses commandos. Donc, à l'époque où le Bénin était marxiste-léniniste, il y avait... Ils ont fait un album, c'était le, le... Il y avait un ministère de la culture et ils ont subventionné cet album-là. Et c'est vraiment de toutes les beautés. Vraiment, vraiment un excellent album. Essayez de mettre la main là-dessus. Quelque chose d'assez curieux. Et la première pièce, hey, ça sonnait, ça rockait. C'était « It's Time » de Max Roach, tiré de l'album « The Revolutionary Hymns ». Max Roach, qui est probablement, en tout cas, selon ce que dit Wikipédia, le batteur le plus important de toute l'histoire de l'humanité. C'est un gars très impliqué politiquement aussi. Il faisait des déclarations pour les mouvements de droits civiques. Il a commencé à jouer du drum dans les bandes de gospel à 10 ans. C'est un pionnier du bebop. Et on dit que, selon ce que j'ai appris en écoutant la radio communautaire, en écoutant le camarade Grondin, le bebop, ça vient du... Le mot bebop vient du bruit que fait des matraques sur les crânes des gens. Allez savoir si c'est vraiment ça, la réalité. Et Max Roach a introduit un nouveau style révolutionnaire dans la musique dans les années 40. Et les autres drummers le regardaient, même les drummers expérimentés, et ils comprenaient rien. Et qu'il y en avait qui avaient peur de Max Roach, tellement que c'était impressionnant à voir. Et c'est tout pour le cycle aquatique magique. Je vous laisse en compagnie entre les bonnes mains du Coconut Show. Et on va mettre la pub. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres précédentes sur jeunefou.blogspot.com. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!